2050, l'année du climat, avec Maria-José Pavlovitch et Tom Villeneuve, c'est de 17h à 18h en direct sur Studek Web. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans l'émission 2050, l'année du climat. Nous sommes ensemble pendant 50 minutes pour cette semaine spéciale des invités sur l'antenne de Studek Web. Notre invitée du jour est une femme, chef du service météo depuis de nombreuses années chez nos confrères de RMC. Elle a lancé il y a quelques mois son nouveau podcast Objectif Terre avec une seule idée, parler des initiatives environnementales. Elle est avec nous aujourd'hui pour en parler dans ses locaux du studio École de France. C'est Géraldine Demory, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien, vous êtes bien installée? Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je suis accompagnée de Maria-José Pavlovitch. Bonsoir Maria-José. Bonsoir Tom, bonsoir Géraldine Demory. Et on commence tout de suite cette émission sans plus attendre puisque vous allez nous présenter Géraldine Demory. Maria-José, la parole est à vous. Tout à fait Tom. Alors, vous avez fait des études, Géraldine, à Clermont-Ferrand. Vous êtes venue par la suite à Paris. Vous connaissez bien ces locaux en réalité puisque vous avez fait les studios École de France pendant 12 années entre 2002 et 2004. Question toute simple, quel est votre souvenir de l'expérience chez Studek? Alors, ces locaux, pas tout à fait. Le studio École de France, oui, effectivement. Mais alors, à l'époque, c'était pas dans des studios aussi grands, aussi beaux hein, d'ailleurs. On avait beaucoup moins d'espace. Et puis, un des souvenirs, bah, forcément, c'est super chouette parce que c'est la première expérience du micro. Donc, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est vrai qu'à la base, j'ai toujours su que je voulais être journaliste, mais je savais pas forcément quel type de journalisme. Et le studio École de France a été pour ça une vraie révélation du micro et de la radio. Alors, vous avez fait vos études, je crois, à Clermont-Ferrand pendant peut-être une année, il y a quelques années. Comment vous avez pris contact avec le studio École de France, justement? Alors, à l'époque, effectivement, à Clermont-Ferrand, j'ai fait une hypocagne. Donc, je voulais faire journaliste, mais quel journaliste ça? Je ne savais vraiment pas. Donc, j'ai cherché un petit peu partout. J'avais envie de quitter un peu Clermont-Ferrand, de voir un petit peu la grande ville, hein, de voir un peu Paris. Donc, j'ai regardé les écoles. Et c'est là que je suis tombée sur le studio École de France. Et je me suis dit, mais la radio, mais oui, mais évidemment. Et du coup, voilà, je me suis inscrite. J'ai passé l'entretien en me disant, oh là là, est-ce que je vais être prise? Est-ce que ça va marcher? Je me souviens, à l'époque, il y avait monsieur Gallois qui faisait passer l'entretien. Donc, c'était très intimidant. Et il m'a demandé à la fin de l'entretien si j'avais une dernière chose à rajouter. Et moi, toute timide, qui avait beaucoup de mal à parler comme ça devant les gens, j'ai juste dit, vous ne serez pas déçus. Et je pense qu'il n'a pas été déçu au final. Donc vous avez gagné en confiance et ça vous a apporté de l'autonomie justement, le fait de faire du micro, de faire du terrain aussi j'imagine? Exactement, parce que c'est vrai que, donc, comme je dis, je suis quelqu'un de très timide, donc parler à des gens c'est très compliqué et alors quand il y a un micro ça devient beaucoup plus facile. Alors je sais pas vraiment pourquoi, mais je crois que c'est une vraie thérapie hein, pour les gens qui sont un peu introvertis. Le fait de pas forcément voir les gens à qui on parle, mais de savoir qu'ils sont là. En tout cas, oui, ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, ben, c'est l'expérience du terrain, quoi. Le studio École de France, l'avantage, c'est qu'on fait beaucoup de micros et on fait beaucoup de stages. Donc, on est tout de suite plongé dans le vrai milieu. Les profs aussi, c'est d'ailleurs comme ça après que je suis arrivée à RMC, puisque c'était un prof d'RMC qui m'a repérée. Et puis, comme ça que je suis allée après travailler là-bas. Donc, pour ça, c'est une très, très bonne expérience. Et en parlant de la radio, de l'expérience de la radio, qu'est-ce qui vous a attiré de cette média, de cette façon de communiquer? Le fait qu'il y ait juste une voix, en fait, je trouve ça génial. Le fait que, c'est juste une voix qu'on entend. On est obligé, alors en particulier sur la météo, d'être beaucoup plus descriptif, parce qu'on n'a rien d'autre que la voix pour faire passer ce qu'on veut dire, pour faire passer les informations, bien sûr, mais aussi les émotions, tout ce qu'on doit le faire passer. On a juste les mots, donc il faut vraiment être très précis, trouver vraiment avoir les mots justes et on n'a aucun autre artifice en fait. Il y a une question qui revient souvent, régulièrement et que beaucoup d'auditeurs se posent. Pourquoi la rédaction de RMC a pris la décision d'arrêter l'infotrafic? C'était il y a de nombreuses années, je crois il y a une dizaine d'années. On s'est pas vraiment essayé de trouver des informations, mais on n'a pas trouvé de réponse à ce sujet. Alors en fait, on continue toujours l'infotrafic, mais c'est vraiment ciblé effectivement au moment des départs ou des retours en vacances. On le fait plus systématiquement parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applis avec Waze, tout ça, par exemple. Tout le monde quasiment qui prend la voiture a ce genre d'appli. Et donc, il n'y avait plus vraiment cette nécessité de faire du trafic tout le temps, en tout cas en région parisienne, puisque c'est quand même essentiellement ce qu'on faisait. Mais on le garde au niveau national parce que, au niveau national, c'est quand même... Même les applis hein, peuvent être un petit peu paumées pour le coup et c'est un vrai contact avec l'auditeur qu'on a voulu garder quand même. Et Géraldine, en parlant de la météo, pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser dans ce domaine et après dans l'environnement? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement? Alors au début, je suis un petit peu tombée dans la météo par hasard, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de le faire. Au départ, j'étais plutôt, je voulais faire plutôt du journalisme d'infogéné, comme on dit, mais avec les stages que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me convenait pas vraiment. Donc, il y avait vraiment une remise en question là-dessus. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, on m'a proposé de faire la météo. Je me dis, bah, pourquoi pas? Et en le faisant, en apprenant là-dessus, bah, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment, mais passionnant. Parce que là, ça fait 20 ans que je le fais. Et même au bout de 20 ans, j'arrive encore à trouver des choses que je connais pas forcément. Il y a encore des domaines qui sont surprenants, des infos qui arrivent et voilà. Et donc ça, je trouve ça génial parce que ça change tous les jours. Parfois, on peut penser que c'est un peu répétitif, mais pas du tout. En réalité, ça change vraiment tous les jours. C'est ce qui compte pour les gens. C'est la première info qu'ils écoutent. La météo, c'est quelque chose d'hyper important pour les gens. Et après, l'environnement, ça en a découlé tout de suite. Parce que c'est vrai qu'au départ, il y a 20 ans, on faisait pas la météo de la même manière qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était juste, il fait beau, chouette, il pleut, bon, tant pis. Et puis voilà, ça s'arrêtait là. Mais au fil des années, on a vu quand même que les choses changeaient. On a vu des événements de plus en plus extrêmes qui arrivaient de plus en plus souvent. On a vu les températures qui montent, on a vu les canicules qui arrivaient. Et du coup, c'est vraiment, ça coulait de source, en fait. L'environnement avec la météo, pour moi, ça va vraiment ensemble. Et voir vraiment ce climat changer littéralement sous mes yeux, c'est une vraie prise de conscience. Vous avez été inspiré, j'imagine, peut-être par Michel Cardoz ou Alain Gilopatré, des grands présentateurs météo de l'époque qui vous ont donné envie, j'imagine, de devenir présentatrice météo aujourd'hui. Alors, à la base, pas vraiment, parce que c'est vraiment en le faisant que j'ai trouvé ce métier absolument formidable. Après, ça va être plus Evelyne Delia, pour moi, la figure de référence, effectivement, de ce côté. Ouais. On dit souvent qu'on a une responsabilité économique lorsqu'on devient présentateur ou présentatrice météo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une responsabilité, oui, c'est sûr. On a vraiment une responsabilité d'informer les gens et de les informer correctement. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on peut plus dire... quand on est à la Toussaint et qu'on est tous en t-shirt, on peut plus dire chouette, on va passer de bonnes vacances sous le soleil, c'est une bonne nouvelle. Donc on présente vraiment les choses différemment. On a ce devoir d'expliquer aussi les choses. Alors parfois on manque de temps à la radio. Là c'est bien qu'on ait une émission qui soit un petit peu plus longue pour en parler. C'est génial parce que souvent on manque de temps pour vraiment expliquer que non, c'est pas normal des records de chaleur comme ça qu'on a tout le temps, toute l'année. Là, on a encore au mois de mars des températures qui sont vraiment exceptionnelles. Et non, c'est pas normal, non, c'est pas une bonne chose. Voilà, c'est important de le rappeler et de le mettre en lien avec le réchauffement climatique. Et Géraldine, pour que nos auditeurs comprennent plus sur l'essentiel de votre métier, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type? Comment c'est travailler à la télévision, les horaires, l'énergie qu'on sent, qu'on est sur des plateaux? Expliquez-nous un petit peu. Alors, une journée type, donc je vais arriver à la rédaction vers 3h le matin. Oui, c'est assez tôt. Donc là, on est en open space, donc je vais préparer mes cartes, je vais regarder les températures, je vais regarder toutes les actus météo qu'il y a pu y avoir. Je vais échanger avec les autres journalistes pour dire, là aujourd'hui, il y a tel sujet sur la météo, c'est important d'en parler. Éventuellement, je vais préparer pour faire des papiers dans les journaux s'il y a une actualité particulière. Donc tout ça, c'est vraiment le travail de préparation jusque vers 4h, donc une heure de préparation. Après, direction le maquillage, hein, puisque c'est la joie de passer en télé. Bah oui, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, et voilà, le maquillage, c'est indispensable. Donc ça dure 15-20 minutes, et puis après, c'est parti, puisqu'on prend l'antenne à 4h25. Et puis après, ça s'enchaîne, donc on a l'antenne, ça s'enchaîne pas mal. À 4h50, j'ai aussi une petite histoire insolite, rigolote sur l'environnement. Donc voilà, on essaie de sourire un petit peu quand même aussi. 5h30, après, j'appelle Météo France pour faire un petit brief avec eux, pour être sûr que j'ai bien tout compris, que j'ai pas raté quelque chose, je peux leur poser des questions. Donc voilà, c'est le moment vraiment où je check vraiment les infos. Et puis à partir de 6h, on est sur la télé. Donc sur la télé et en radio. Donc il faut toujours avoir cette mécanique en tête, parce que c'est vrai qu'on change de studio pour aller dans un studio télé, mais il faut toujours garder en tête qu'il y a les auditeurs aussi qui écoutent. Donc on ne peut pas juste dire, regardez sur la carte, là il y a du soleil, là il n'y en a pas. Non, il va falloir expliquer un petit peu plus que ça. L'antenne, donc, c'est jusqu'à 9h, et puis ensuite, j'ai une heure pour préparer tout ce qui est après chef de service, donc ça peut être les plannings, les opérations spéciales, ce genre de choses. Et qu'est-ce que c'est le plus difficile dans votre métier ? Se lever. le plus difficile, je sais pas, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment un plaisir de le faire. Donc, je vois pas vraiment de difficultés essentielles. Alors, ça c'est peut... beaucoup. Je me permets juste de vous couper. C'est beaucoup plus simple de travailler aujourd'hui avec l'infographie par rapport aux années précédentes. C'est beaucoup plus simple de faire des cartes avec justement la révolution du numérique. On sait que le progrès révolutionne et que ça forcément ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, notamment pour l'accès à l'information. C'est-à-dire que maintenant, on a très facilement l'accès aux informations. On a un site, par exemple, Météo France nous fait un site dédié pour nous, donc avec les infos qui nous intéressent. Voilà, on a beaucoup plus de facilité, effectivement, à trouver les informations qu'avant. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Géraldine, c'est vrai que vous avez lancé, il a bientôt 9 mois, une émission qui s'intitule Objectif Terre. On va l'écouter un petit peu. On a tous chez nous une multitude d'objets électroniques, des objets qui marchent avec des piles. Et quand la pile arrive en fin de vie, on la jette. 15 milliards de piles sont jetées chaque année. Alors, il y a des conteneurs spécifiques un petit peu partout pour les recycler. Mais un adulte sur 3 avoue les jeter régulièrement à la poubelle, ce qui est interdit, il faut quand même le rappeler. Et puis il y a aussi tous ces petits appareils électroniques à usage unique, comme les tests de grossesse digitaux qui finissent quasi systématiquement avec les ordures ménagères. Alors, l'idéal, ce serait une pile qu'on n'a même pas besoin de recycler. Une pile qui, de base, ne pollue pas. Eh bien, figurez-vous qu'elle existe déjà. Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory. Un rendez-vous hebdomadaire qui vous propose chaque mercredi avec un invité afin de poser un regard sur l'actualité. Disponible, on rappelle, sur les plateformes de streaming comme sur Deezer ou encore Spotify. J'ai beaucoup les tons que vous savez dans votre podcast. Vous nous faites un peu de publicité, Maria-Josée. Ah, il faut, c'est important, il faut en parler. Il faut tous vous abonner à Objectif Terre, bien sûr. C'est primordial, surtout parce qu'on parle de l'environnement. Sylviano Marchion, directeur général du studio École de France, nous a rejoint. Bonjour, monsieur Marchion. Justement, on parlait au tout début du portrait de Géraldine Demory. Qu'est-ce que vous retenez de cette ancienne étudiante du studio École de France? Quelqu'un de, à l'époque, de très discrète, mais qui était dans une très belle promo. Je pense qu'elle s'en souvient. Ah oui. On a reçu il y a quelques jours un de ses collègues, Julien Pébreau, qui a commencé la même radio que Géraldine. Et avec qui je suis toujours en contact, d'ailleurs. Oui, et puis il te passe le bonjour et il m'a dit que ça fait très longtemps qu'il n'avait pas eu, mais il reviendra. Et puis il y a eu Élodie Fournier, il y a eu Anissa Dadi, il y a eu pas mal de gens dans sa promo et elle en était très contente. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur Géraldine? Vous savez, ça remonte loin maintenant. Mais moi, je me rappelle quand même que ça m'a beaucoup meurtri. On a eu une dispute à un moment donné. Ah, je m'en souviens très bien. En fin de deuxième année. Pourquoi? Et la raison était futile. Mais bon, voilà. Et c'était la seule dispute qu'on a eue en 2 ans. Et je m'en suis voulu parce que j'étais responsable de ça. Et puis ça s'est arrangé par la suite. Non, c'était assez drôle parce qu'effectivement, quelqu'un d'assez discret, timide, comme je vous le disais aussi. Et alors j'ai poussé, je me rappelle, on était vraiment dans un couloir. Oui. Et j'ai poussé un énorme coup de gueule. Et du coup, tout le monde, moi qui disais jamais rien, ça avait surpris un petit peu tout le monde. Mais c'était, je ne me souviens même plus pourquoi c'était au final. Et puis oui. ça n'a pas eu de conséquences pour la suite. Non. C'est une fierté de voir justement l'évolution de son parcours. On sait qu'aujourd'hui, elle occupe une responsabilité. Elle est chef du service météo à RMC. C'est une fierté pour vous, j'imagine. C'est une fierté, oui, bien sûr. D'abord, c'est une fierté de l'entendre dans une radio. C'est une fierté d'avoir eu une ancienne élève me réveiller tous les matins sur RMC, puisque jusqu'à encore quelques mois, je me réveillais beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Là, je suis en semi-retraite, mais oui, j'étais très très heureux de. Et d'ailleurs, mon épouse aussi. On était réveillés par Géraldine à 6h moins 2, voilà. Et alors, on parlait justement, monsieur Marchion, du podcast qui a préparé Géraldine, Objectif Terre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'écouter? Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais je le ferai. Mais moi, le sujet du climat me tient vraiment à cœur. On en a parlé l'autre jour au téléphone, où j'aimerais bien, alors j'ai parler de la transformation de la météo à France Télévisions et j'aimerais beaucoup qu'RMC développe parce que c'est sa partie. Je pousse. Voilà. J'espère que ça va bouger. Mais oui, ça va bouger parce qu'elle a su faire bouger des lignes. Elle a su, à un moment donné, imposer une petite chronique dans la matinale d'RMC. Voilà. Après, je pense qu'elle aurait pu faire de la télé, elle aurait pu. Mais c'est peut-être pas fini encore. Ben non, je suis pas encore à la retraite, moi. Non, non. Et en parlant de votre style, de faire bouger les lignes, Géraldine, comment pouvez-vous décrire votre style de communiquer? Votre marque de fabrique, justement. Alors, mon style, ça va être vraiment surtout l'optimisme, je pense. Alors, surtout quand on se fait question d'environnement, c'est vrai que l'environnement, des fois, on en parle, c'est un peu barbant, un peu moralisateur. Et alors, ça, c'est surtout ce que je veux pas faire. Ce que je veux, c'est montrer que on peut faire bouger les choses sans que ce soit forcément un retour en arrière, sans que ça nous coûte vraiment en fait quelque chose. Et qu'il y a justement, c'est vraiment le but de ce podcast, montrer qu'il y a énormément d'initiatives et d'innovations qui sont faites, qui vont dans le bon sens. Et donc voilà, et que c'est quelque chose de facile, qu'on peut tous faire en fait. Et justement, et en parlant encore d'Objectif Terre, parmi toutes les histoires que vous avez récoltées, est-ce qu'il y a une histoire qui vous a vraiment touché, frappé dans cette France qui essaye de trouver des initiatives, d'être créative par rapport aux sujets environnementaux? Alors, il y en a deux que j'aime beaucoup. Bah, celle qu'on a entendue là sur cette petite pile, hein, qui est incroyable, c'est une pile qui ne fonctionne qu'avec du sucre et du papier. Donc ça, c'est juste une histoire incroyable. Et puis en plus, c'était Jean-Francis Bloch, qui est le fondateur de BFC, qui m'en parlait, chercheur au CNRS, et qui expliquait ça de manière tellement limpide, tellement simple. Et c'était génial à entendre. Et puis j'ai eu aussi un navigateur qui m'a parlé d'être resté 6 mois sur un bateau c'était en Arctique, c'est ça, il était parti en Arctique et complètement donc isolé du monde sur son bateau, le bateau Tara. Ça, c'était aussi une histoire que j'ai beaucoup aimée. Eh bien, merci beaucoup, Sylviane Marchand, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Studio École de France. On vous laisse retourner à vos occupations pour la préparation de cette semaine spéciale des invités. Merci et très belle soirée à vous. Il devait débuter sa tournée des 60 ans il y a plus d'un an. Florent Pagny a dû annuler l'ensemble de ses concerts après l'annonce de son cancer. Ces chansons qui nous font tous du bien en quelque sorte. Et j'avais envie de vous faire partager un de ses derniers tubes. Florent Pagny le présente d'abord en direct sur Studek Web. Regarde autour, tout est là, tout est fait pour nous. Tout le temps court. Le temps est comme toujours, bien trop court. Hier était hier, déjà au passé dépassé. Hier n'est plus à refaire ou à ressasser. Alors rien ne sert de s'encombrer. Laissons-nous vivre le présent d'abord. Laissons-nous vivre à l'instant plus fort. Regarde autour et devant toi, regarde celle-là, là, sous tes doigts. Oh. C'était Florent Pagny avec son fameux titre Le Présent d'abord que vous venez d'écouter sur Studek Web. Tout va bien, vous passez toujours un bon moment, Géraldine Demory. Un excellent moment en votre compagnie. Bon, eh bien c'est super. Alors pour recontextualiser cette émission, nous avons choisi comme titre 2050, l'année du climat. Une année décisive face aux enjeux climatiques. Toutes les données et statistiques le prouvent et le montrent à juste titre. En 2015 à Paris, au moment de la COP21, les participants s'étaient fixé un objectif, maintenir le cap du réchauffement climatique à 1,5 degré à l'échelle mondiale. Hier, un rapport du GIEC est sorti. Pour rappel, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies. On observe notamment une concentration du taux de CO2 dans l'atmosphère la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années, selon nos informations. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans ce rapport ? Déjà, ce rapport, il nous dit qu'on peut encore agir. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Donc il faut retenir, on peut agir, mais il faut le faire maintenant, il faut le faire vite. C'est-à-dire qu'on peut pas se contenter de mesurettes. Là, maintenant, il faut vraiment qu'on prenne les choses en main. On peut encore avoir un avenir correct pour nos enfants. Donc ça, c'est quand même... Il faut bien se dire qu'il n'y a pas de date butoir dans le réchauffement climatique. C'est pas... voilà, on a jusqu'à telle date, sinon après, tout est foutu. Chaque dixième de degré, en fait, qu'on arrive à économiser, eh ben, c'est des populations qui ne vont pas être déplacées, c'est une biodiversité qui va être préservée, c'est des morts qui n'auront pas lieu. Donc, chaque dixième de degré, il est important. Et donc, voilà. Et donc, ce rapport du GIEC, il nous dit ça. Il nous dit qu'il faut miser beaucoup sur l'éolienne, sur le solaire, donc sur les énergies renouvelables. Il nous appelle aussi à la sobriété, parce que finalement, l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, même en utilisant des énergies renouvelables, il faut quand même le faire avec parcimonie. Il faut quand même garder toujours un petit peu en tête cette idée de, voilà, moins on consomme, mieux c'est finalement. Et voilà, après, il y a plusieurs trajectoires. Bon, ils sont quand même assez pessimistes sur la trajectoire d'arriver à 1,5 degré de réchauffement, sachant qu'on est déjà à 1,1 degré. Donc, et sachant que même si on arrêtait aujourd'hui complètement, si on arrêtait entièrement de polluer, les températures, elles continueraient de monter, en fait, encore au moins une dizaine d'années, parce que c'est à cause de l'inertie du climat. Donc, le 1,5 degré, qui semble compliqué, maintenant, voilà, il faut quand même le viser. On annonce plus 2,4 degrés à la fin du siècle, selon les statistiques. Vous pensez qu'on peut y arriver, concrètement ? À 2,5 degrés, 2,4 degrés. Bah, si on suit notre trajectoire, oui, on peut y arriver. Là, ça semble déjà plus réaliste. Après, 2,4 degrés, c'est déjà beaucoup. On parle, ça paraît rien du tout, évidemment, quand on est dehors, qu'il fasse 16 ou 18 degrés, finalement, l'impact n'est pas énorme. Mais à l'échelle de la planète, il faut voir que c'est des changements, ça modifie complètement, en fait, l'équilibre planétaire. Et en parlant tout à l'heure, vous avez dit les mots pessimisme. À chaque fois, c'était le cas de la dernière COP25 en Égypte, qui les autorités sonnent les signaux d'alerte. Nous nous posons la question, comment renverser la situation ? Est-ce qu'il y a plus de communication que des actions concrètes ? Qu'est-ce qu'il manque pour vraiment passer à une autre étape, Géraldine ? Déjà, on va quand même dans le bon sens. On voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a eu un traité très important sur les océans, qui est un traité mondial. Donc, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Après, ce qui coince, il y a quand même encore le lobby des énergies fossiles. Évidemment, ils ont absolument aucun intérêt à ce qu'on n'utilise plus leur énergie et ils peuvent même faire de la désinformation. Il y a le fait aussi que malgré tout, il va quand même falloir qu'on change nos habitudes. Et changer nos habitudes, c'est pas facile. Hein. On a pris goût à certaines choses. C'est compliqué de se dire voilà qu'il faut faire un petit peu plus attention, mais en même temps, c'est aussi pour une vie meilleure pour nous, parce que les changements, c'est des changements par exemple alimentaires, donc vers une alimentation finalement plus saine. Regardez plus des fruits et légumes de saison qui sont cultivés pas trop loin de chez nous. Ça, c'est des choses qui sont bonnes pour l'environnement, qui sont bonnes pour notre santé. Donc voilà, tous ces changements d'habitude, finalement, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et puis, il faut des décisions politiques fortes. Et ça, pareil, hein, parce que le problème des décisions politiques qu'il faudrait prendre, c'est qu'on va voir leur effet pas immédiatement. Il va falloir attendre un petit peu. C'est des décisions qui peuvent parfois coûter de l'argent. Qui peuvent parfois être contraignantes. Donc, comme on va pas voir les effets tout de suite, les politiques, ils ont tendance à dire ouh là là, c'est pas très bon pour c'est pas très bon pour ma réélection, ça. Donc, je vais peut-être attendre un petit peu. Et puis, il faut que ce soit international. Il faut vraiment que tous les pays s'y mettent, parce que c'est pas nous tout seuls dans notre coin qui pouvons faire quelque chose. Le réchauffement climatique, il est mondial, et c'est d'ailleurs même les plus petits pays, c'est ceux qui polluent le moins finalement, qui en souffrent le plus. Donc, vraiment cette coordination mondiale qui est parfois encore difficile à avoir. Est-ce que vous pensez que les enjeux environnementaux sont liés aussi au changement démographique ? Une surpopulation, on sait qu'il y a certains pays, je crois notamment la Chine, qui a posé un nombre d'enfants par famille. On annonçait récemment qu'on était 8 milliards désormais sur Terre, 9 milliards à l'horizon 2050, 11 milliards à l'horizon 2100. C'est ce que avait même déclaré d'ailleurs Nicolas Sarkozy au moment d'une interview. Est-ce que on doit faire moins d'enfants? La question est mal formulée, mais est-ce qu'on doit... Non, effectivement, il y a même... Oui, bien sûr, il y a même qui disent qu'effectivement, faire un enfant, c'est presque un crime écologique. Mais bon, j'irai pas jusque-là. Forcément, plus de personnes, c'est plus de consommation. Donc, forcément, ça abîme plus la planète, c'est évident. Après, je pense qu'on peut quand même tous vivre correctement, encore une fois, en changeant un petit peu nos habitudes. Est-ce que vous croisez, Géraldine, des climato-sceptiques, des gens qui n'y croient pas du tout, qui on est en face à des vrais problèmes, à des vrais enjeux environnementaux? Comment vous rapprochez des gens qui vous disent que c'est faux? Alors, il y en a beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Après, il faut toujours faire très attention parce que, comme je parlais des lobbies tout à l'heure qui avaient tendance à faire de la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Ces derniers temps, notamment, on en voit beaucoup, mais il y a beaucoup de bots aussi, donc c'est pas des vrais comptes. C'est vraiment, ils sont là en fait pour qu'on les voit, pour qu'on parle d'eux, alors qu'en fait, ils sont pas si nombreux que ça. Même dans les médias, d'ailleurs, il y avait eu un rapport qui montrait que on invitait à une certaine époque autant de climato-sceptiques que de réelles personnes qui vraiment se battaient pour le climat. Alors leur réponse, c'est compliqué parce que de toute manière, si on leur donne des chiffres, ils vont nous dire « Non mais vos chiffres, je ne sais pas d'où ils sortent, moi j'y crois pas, au Moyen-Âge, il faisait déjà très chaud. » Et en fait, ils vont sortir des choses qui sont très difficiles à contrer. Moi, je pense que le meilleur moyen en fait de les faire taire, c'est juste de les ignorer. Se dire que le réchauffement climatique, c'est pas une opinion, c'est un fait scientifique. On n'est pas en train de vous demander, ça a rien à voir en fait ni avec la politique ni avec une opinion. Donc, je pense que les ignorer, c'est la meilleure réponse. Mais justement, est-il possible de réagir et de faire face aux enjeux climatiques sans être engagé au niveau politique et faire de cela justement un vrai combat personnel, Géraldine Nomori? Alors, ça, c'est une question qui est très difficile à répondre. Moi, je pense que l'environnement, ça ne doit surtout pas être une question de politique. Et en même temps, on a besoin de la politique pour faire évoluer les lois. Mais en fait, ça ne doit pas être une question de parti. C'est juste un sujet dont tout le monde devrait s'emparer, quel que soit son bord, quelles que soient ses convictions. Et c'est un sujet, tout le monde devrait s'en emparer et se dire que c'est une priorité et tout faire pour que, on limite ce réchauffement avec des lois qui vont dans le bon sens. Si on parle maintenant de l'international, est-ce que de votre expérience personnelle, le fait que vous ayez voyagé un petit peu, j'imagine, dans le monde entier, est-ce qu'il y a un pays qui vous a le plus marqué? Vous vous êtes dit, oula, c'est violent quand même, de voir justement des gens qui sont dans des situations de précarité, l'environnement qui est précaire dans ces pays-là, comment on réagit et quel est le pays où qui vous a le plus marqué? Alors, j'ai pas de temps, que j'ai voyagé que ça, en D'accord. vrai, mais bon, j'ai vu beaucoup de documentaires, en revanche. Et ce que je trouve terrible, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, par exemple, le petit archipel dans le Pacifique du Tuvalu, c'est le pays pratiquement qui pollue le moins. Ils doivent être à 0,001 d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ceux qui souffrent le plus parce que ça va être le premier pays littéralement à disparaître. C'est-à-dire qu'eux, ils subissent vraiment de plein fouet la montée des eaux. Et donc, dans quelques années, je ne vous parle pas de dans 100 ans, 200 ans, je parle de dans quelques années, c'est un pays qui ne va plus exister et qui va devoir... migrer. Donc on parle des migrants climatiques et ça pose plein de questions même d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que un pays qui disparaît, est-ce qu'il existe encore s'il a plus de sol, est-ce qu'il peut exister ailleurs? Donc il y a plein de questions comme ça. L'ONU se penche déjà dessus et ça va être un des enjeux des prochaines années de trouver des réponses là-dessus aussi. On vous invite à écouter un extrait pris lors de la dernière manifestation pour le climat il y a à peu près 5 mois. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Les entreprises actuellement n'ont en tête que leurs profits. Depuis 2018, les dirigeants et dirigeantes nous disent qu'on est mignons, qu'on a raison de porter ces combats, qu'il y a notre avenir en jeu. Et nous, on va profiter de ça. Ça m'a fait très bizarre. Je viens d'à côté d'Angers, il y a eu un très grand feu. Et je voyais la fumée à côté de chez moi, alors que Angers... Enfin, c'est pas un endroit qui est censé être susceptible de connaître ce genre de choses et c'était assez effrayant. C'est très triste à voir en vrai. Surtout quand on connaît la France et qu'on habite ici, on pense pas que ça nous affecte directement, mais quand on voit ça, on se dit qu'il faut quand même agir et c'est très triste. Les images de cet été, effectivement, ça, on est très inquiet et quand on voyait qu'à l'Assemblée nationale, au même moment, on rouvrait des terminaux pétroliers, c'était pas du tout en face. Ça m'a limite plus inquiété que les feux en eux-mêmes. Comment vous voyez la jeunesse par rapport au climat, Géraldine ? Alors la jeunesse, je la trouve géniale. C'est qu'ils ont, bah déjà, ils sont, on leur en parle beaucoup depuis qu'ils sont tout petits. Bon, moi j'ai deux filles qui sont assez jeunes. Elles sont déjà hyper à fond sur le sujet et elles vont, c'est même elles qui vont me fâcher si je prends la voiture un jour. Oh non, maman, dis donc, eh oh, on y va en vélo, hein, on va pas polluer encore un peu plus. Donc la jeunesse, je la trouve géniale parce que on leur impose quelque chose ils y sont pour rien et ils s'emparent du sujet. Ils sont très proactifs, ils sont très inquiets aussi. Alors ça, c'est pas forcément toujours quelque chose. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu triste parce qu'ils devraient pas avoir à porter ce poids sur leurs épaules. Mais ouais, ils sont très proactifs, ils ont envie de faire bouger les choses. Et donc, ben, je pense que c'est vraiment eux qui vont nous sauver. Il a sorti il y a quelques mois une nouvelle chanson, Yannick Noah, avec son nouveau titre, La vie c'est maintenant. C'est en direct sur l'antenne de Studec Web. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, saoulée d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira. Et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclatants que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie, oh tu m'as dit. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. Fais rage dans tes yeux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas de temps. Pas de regrets ni de ça va, dis-le-moi, dis-le-moi. C'est aussi ça, au seul à voix, au seul à voix. Ou si ça va, moi ça me va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant. On voit les choses en grand, on dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant, la vie c'est maintenant. On n'a pas le temps, la vie c'est maintenant, la vie c'est maintenant. De Studec Web. Et on parlait justement de la jeunesse et Géraldine, et quel ton, comment vous les expliquez à votre fille parfois quand, parce que les jeunes sont très anxieux, parfois il y a la fatalité par rapport à l'avenir, les choix qu'il faut faire. Quel ton adopter face à cette jeunesse, face à nos enfants? Bah déjà, j'essaie surtout de répondre à leurs questions parce qu'ils en ont beaucoup. Et puis après, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Bah, on va en parler, dire bah tiens, Là aujourd'hui, on va plutôt, on va aller se balader en forêt, voilà, se reconnecter à la nature, se reconnecter au vivant, c'est hyper important. Et puis les enfants, en plus, sont très demandeurs de ça. Et donc voilà, en fait, je pense qu'il faut leur parler très simplement, pas leur cacher la vérité, qu'effectivement, hein, on a une situation qui est compliquée, qui est voilà. Mais encore une fois, il n'y a rien qui est encore arrêté. Et on peut encore changer les choses. Oui, le réchauffement climatique est là, il va falloir s'y adapter parce que, dans une certaine mesure, on le subit déjà aujourd'hui et on continuera forcément de le subir dans les prochaines années. Donc il y a une partie d'adaptation aussi hein, qui est importante. Et voilà, je vais leur parler vraiment tout simplement. Il y a des personnalités comme Greta Thunberg qui vont interpeller directement les autorités. On l'écoute. Ou peut-être, est-ce que vous n'êtes pas suffisamment mûr pour accepter ce rapport ? Parce que c'est bien la charge que vous laissez aux enfants. Et du coup, nous devenons les affreux qui avons à dire ces choses très désagréables aux gens, parce que personne d'autre ne veut le faire ou n'ose le faire. On nous moque des élus. Mentent à notre propos, des chefs d'entreprise, des journalistes racontent des mensonges sur ce que nous faisons. Greta Thunberg, lors d'un discours à l'Assemblée nationale en 2009, que pensez-vous, Géraldine, de Greta Thunberg ? Je l'adore. J'adore sa manière de parler, son franc-parler. Et puis vraiment, elle assume vraiment ses convictions, elle va vraiment au bout des choses. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple. Alors Météo France a annoncé récemment que l'année 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. En 2014, l'Organisation Météorologique Mondiale avait demandé à un présentateur météo de chaque pays du monde entier de faire un bulletin, donc une projection de ce que pourrait être notre météo en août 2050 en cas de forte canicule, présentée par Evelyne Delia. Je vous propose d'écouter. Sans faire de catastrophisme, on va observer la différence de ces deux cartes en 8 ans. Parfois, peu de différence. Par exemple, à Reims, on passe de 41 à 43 degrés. Un peu plus pour Bordeaux, par exemple, de 40 à 45. Mais c'est sur le nord-ouest où l'on a une différence d'une dizaine de degrés. Tous ces exemples du passé nous prouvent bien l'accélération du réchauffement climatique et l'importance, la nécessité d'agir pour notre planète. Alors, force est de constater que cette projection a encore évolué entre 2014 et 2022, donc en l'espace de 8 ans. Généralement, en France, on dit souvent jamais 203. Est-ce que vous pensez que cette projection de 2050 peut encore changer, peut encore évoluer, selon vous, dans les années à venir ? Alors, j'espère qu'elle va évoluer dans l'autre sens. Hein. Cette fois-ci, ça serait bien. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place fonctionne. Donc, après, c'est le principe des projections. Forcément, ça évolue. Déjà, c'est vrai que le réchauffement va finalement plus vite que ce qu'on pensait en 2014. Hein. Ça, c'est un fait. Hein. La météo de 2050, en fait, elle est arrivée en 2022. Donc, effectivement, c'était beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Et puis après, oui, il y en aura d'autres, des projections, ça c'est sûr. On observe même une différence d'une dizaine de degrés au niveau de la Bretagne. C'est du jamais vu. Ah bah, la Bretagne, c'est... oui, qui a dépassé les 40 degrés. Oui, ça c'était... Voilà, ça fait partie des records qu'on a eu, malheureusement, qu'on a chaque année, ces records de chaleur qui s'enchaînent. Quoi. On a presque l'impression, finalement, que les quatre saisons n'existent plus. Je pense notamment à l'automne ou encore au printemps. Autrement dit, il ne reste plus que l'hiver et l'été. Est-ce qu'il y a un espoir pour qu'on puisse retrouver ces quatre saisons dans les toutes prochaines semaines, les années à venir, finalement ? Et l'hiver encore, hein, parce que l'hiver, il n'y en a même presque plus, hein, par rapport, on est loin des hivers qu'on avait dans les années d'avant. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des années où on va retrouver des vrais hivers, où on aura un vrai automne, mais c'est vrai que ça va juste être de plus en plus rare, et c'est vrai que les saisons évoluent avec le réchauffement climatique. Les demi-saisons, effectivement, sont de plus en plus discrètes, en fait, parce que le printemps est de plus en plus chaud, l'automne aussi. Donc on a un grand été et un petit hiver maintenant, effectivement. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que le ton des présentateurs change d'une manière générale. Je pense notamment à votre collègue Marc Hay, journaliste présentateur météo pour la matinale de première édition sur BFM TV. Au moment d'annoncer les prévisions, le journaliste a voulu durcir et changer de ton, séquence qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. C'était le 14 juin 2022 sur le plateau du 22h Max de Maxime Switek. J'ai décidé, depuis maintenant quelques jours, d'arrêter d'utiliser mon ton habituel qui, au final, je trouve un peu, au fur et à mesure des mois, un peu nul. C'est-à-dire d'arriver en plateau et de vous dire la France va être concernée par une nouvelle canicule, la canicule. Je pense que ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer, ça n'est que la face cachée de l'iceberg. Mmh. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2019 se reproduit et que ce qui se passe en ce moment va se reproduire. L'été ne fait que commencer, d'autres vagues de chaleur, d'autres canicules sont possibles et tout ceci va aller en s'aggravant. L'année dernière, Météo France nous annonçait des températures bien au-dessus des normales de saison, 10 à 15 degrés supplémentaires, si j'en crois mes chiffres sur la période du mois de juin. Mm-hmm. Ce qui est en train de se passer n'est que la face cachée de l'iceberg. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement selon vous ? Alors, il faudrait demander à Marc pour le coup, mais je pense que ce que ça veut dire, c'est que voilà, ce qu'on vit, on le vit ce réchauffement et ça va être pire. Pour la suite, ça va encore empirer. On va encore la sécheresse hivernale, ça c'est quelque chose dont on n'avait pas parlé avant. C'est quelque chose encore de nouveau qui arrive. On s'attend à avoir un été a priori qui pourrait être encore plus compliqué que l'été dernier, puisque on part avec un déficit de pluviométrie qui est encore plus important que l'été dernier. Donc avec des sols encore plus secs, donc avec des forêts encore plus sèches, donc qui risquent de brûler vraiment très facilement au premier coup de chaud. L'an dernier ça a été particulier parce qu'en plus on avait eu une canicule particulièrement précoce, donc au mois de juin on était même pas encore en été. Donc c'est ça qui était vraiment complètement dingue. Et effectivement, face cachée de l'iceberg, parce que ça va se reproduire encore plus fort si on fait rien. Mais encore une fois, si on fait rien, moi je pense vraiment qu'on a le pouvoir de faire bouger les choses. Et justement, nous sommes en face à plusieurs catastrophes naturelles qui sont en lien direct avec les sujets environnementaux, sécheresse. On a vu justement du côté de Perpignan, les gens ils font des prières. Exactement. Ouais. Des prières pour faire tomber la pluie. Oui. Oui. Est-ce que vous avez été en contact? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voyager, Géraldine, et voir cette situation en face à vous? Ah oui. Et puis alors Perpignan, en plus c'est particulièrement compliqué comme secteur, parce que quand on regarde en fait ce qui est tombé en eau depuis un an, ça classe la région en région désertique. Vous imaginez un petit peu, parce qu'il est tombé tellement peu de pluie que voilà, c'est une région désertique. Alors effectivement, ils ont fait cette procession pour faire tomber la pluie. Ça a marché, hein, parce qu'il a plu quelques heures après d'ailleurs. Mais il y a des coins en France effectivement qui sont particulièrement touchés, et en particulier le pourtour méditerranéen, la Provence, qui sont les très très très très sèches en ce moment, et où il y a aussi des restrictions d'eau même en plein hiver. Donc on s'attend éventuellement à des restrictions de eau par rapport pour les agriculteurs, peut-être, vous croyez qu'il y a... Alors, des restrictions d'eau, alors il y en a déjà, hein. Donc oui, a priori, à moins que vraiment on ait une période où il se mette à pleuvoir pendant plusieurs semaines non-stop, mais sinon oui, effectivement, on va avoir des restrictions d'eau, ça c'est évident. Revenons sur RMC, si vous le voulez bien, pardon, quelles sont vos ambitions pour les années à venir? Est-ce que vous avez des projets en cours avec la direction de RMC? Alors, on est justement en discussion en ce moment, donc je vais pas pouvoir trop m'avancer, mais en tout cas, l'objectif, c'est qu'on parle de plus en plus d'environnement, qu'il y ait une vraie place à l'antenne pour ça, parce que je pense que plus on va en parler, plus on va montrer qu'il y a des choses qui sont possibles à faire, et puis plus les choses vont bouger. En tout cas, c'est pour moi, qu'on parlait de responsabilité en début d'émission, et c'est vrai que pour moi, c'est la responsabilité du journaliste, de parler de ces sujets-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut avoir, Géraldine, pour être un journaliste comme vous? Un journaliste, quelque part, vous êtes engagé par rapport au climat, vous êtes engagé par rapport à la planète. Qu'est-ce qu'il faut avoir en soi pour réussir? Ça, c'est une question difficile. Il faudrait plutôt demander à ceux qui me connaissent, je pense qu'ils pourraient peut-être mieux en parler. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faut être curieux, il faut regarder un petit peu le monde qui nous entoure, il faut avoir un petit peu de cœur, et puis voilà, le reste, ça se fait tout seul. Studio Tech Web, vous êtes toujours dans l'émission 2050, l'année du climat, et nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Et avant de rendre l'antenne, on vous laisse le mot de la fin. Géraldine de Maury, quel message souhaiteriez-vous faire passer à nos auditeurs? La première chose qui vous vient à l'esprit? Je vais reprendre un peu ce que dit le rapport du GIEC, c'est-à-dire qu'on peut encore agir, hein, qu'il faut le faire vite, qu'il faut le faire fort, et que, alors oui, il y a les politiques qui rentrent en compte, mais nous, à notre échelle, on peut faire des choses. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits gestes inutiles. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est, ça va dans le bon sens, et on peut faire des vrais choix en termes de consommation. Par exemple, choisir notre fournisseur d'énergie, c'est quelque chose de tout simple, ça ne coûte pas forcément plus cher. Choisir une banque aussi qui va financer les énergies renouvelables plutôt que les énergies fossiles, puisque la plupart des grandes banques françaises financent les énergies fossiles. Donc on peut faire des choix comme ça qui, pour nous, ne coûtent rien, mais qui sont un grand pas pour la planète. Merci beaucoup Géraldine Nomori d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également à Maria-José Pavlovitch pour toutes ces questions, ainsi qu'à notre cher technicien réalisateur Mathis Fab depuis la régie qui a produit cette émission, parce que bon, c'est vrai que finalement on ne le dit jamais assez souvent et c'est important de rappeler. Nous on se quitte avec un chanteur américain emblématique décédé il y a bientôt une quinzaine d'années, le king du pop Michael Jackson, avec son titre Her Song. Il a écrit cette chanson alors qu'il était dans un hôtel en Autriche. Il a eu l'image de notre terre couverte de blessures, des blessures commises par l'homme. Une terre qui essaye de tenir coûte que coûte un message tout simplement d'espoir. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et heureuse soirée sur l'antenne de Studec Web. À très bientôt.